Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Annie Lebrun, qui publie Ailleurs et autrement chez Gallimard dans la collection Arcade. En 1998, Radovan Ivzić constatait « Aujourd'hui, le monde dort, mais ne rêve pas. » Pourtant, s'il est vrai, à en croire Hugo, que le rêve qu'on a en soi, on le retrouve hors de soi, le temps ne serait-il pas venu que chacun retourne à sa nuit avant de songer à changer le jour ? Car le rêve nous l'enseigne, la vraie vie n'est pas ailleurs, mais entre le jour et la nuit. Peut-être pourrait-on dire aussi bien, Annie Lebrun, que la vraie vie est du jour au lendemain. Si vous voulez, oui. C'est une autre façon de dire que c'est entre le jour et la nuit. Mmh. Oui. Oui. Ou dans du jour au lendemain, pourquoi pas. Oui. Alors, si j'ai pris soin de choisir quelques lignes de votre livre « Où est cité Radovan Ivzić », c'est d'abord parce qu'elles sont belles, mais aussi parce que le livre lui est dédié. Oui. Et que, en même temps que votre livre, paraît un livre de Radovan Ivzić qui s'intitule « À tout rompre », qui est sous-titré « Controverse », qui est une pièce de théâtre où il n'est question que du théâtre. Oui. Apparemment. Oui. Vous l'avez d'ailleurs préfacé, ce livre, avec Olivier Neveu, qui a fait lui aussi une longue introduction. Oui, oui. Alors, de quoi s'agit-il au juste ? D'abord, parlons de Radovan, qui vous a accompagné pendant de belles années, oui. On va dire. Oui. Et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Il y a un an et demi, oui. Donc, il s'agit d'un texte de 1985, à un moment où, justement, où Radovan Ivzić considérait ce qui se passait sur la scène, puisqu'il s'agit de théâtre. Il était assez désenchanté et avec l'impression que, pour dire vite, que le théâtre est malade. Et donc, si le théâtre est malade, il avait eu l'idée de... Eh bien, de convoquer ceux qui, ont, à ses yeux, avaient passionnément aimé le théâtre, c'est-à-dire aussi bien Meyerhold, Jarry, Artaud, Gordon Gregg, Appiah, Coppo, enfin, il y a quand même un certain nombre de personnes, de les convoquer, quelque sorte, sur la scène, et de faire, à partir de leur réflexion, de faire une sorte de montage, et d'essayer de voir où on en est. Et il avait conçu ça un petit peu comme ce que ça pourrait être monté comme un spectacle du musical où ils apparaîtraient avec en contrepoint aux propos de ces personnes plus intéressantes les unes que les autres et plus sympathiques les unes que les autres, une sorte quand même de critique qui serait menée de façon diagonale par trois sorcières, donc on peut imaginer d'où elles viennent. Shakespeare, oui. Oui, mais qui avait la particularité de parler sur le modèle des rites de magie blanche, qui se perpétuent encore pour faire sortir le mal, si on peut dire, pour soigner le mal dans certaines parties reculées de la Dalmatie et des Balkans. Donc voilà. On pourrait dire le théâtre d'aujourd'hui visité à l'aune des paroles fondatrices du théâtre du XXe siècle. C'est ça, oui. Est-ce que cette pièce a été représentée ? Non, elle devait être. Puis après, bon, il y avait aussi des difficultés parce qu'il s'était aussi conçu comme l'occasion de faire, comme c'est un montage essentiellement, comme je l'ai rappelé, mais ça devait être aussi l'occasion de faire des citations visuelles, c'est-à-dire aussi bien des décors qui avaient existé, par exemple ce qui concerne Appia ou Coppo, ou même des costumes. On aurait pu évoquer le Bauhaus avec les costumes de Schlemmer. Enfin, oui, et ça posait quand même beaucoup de difficultés. Et moi, je regrette que ça n'a pas été monté. Il aurait fallu un producteur hollywoodien. Peut-être pas hollywoodien, mais aussi quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le théâtre au point de donner vie à cela. Et d'un autre côté, c'était conçu de façon... Radovan Ivšík avait pensé que ça aurait dû se faire avec un metteur en scène avec qui il aurait pu discuter, donc qui lui-même aurait pu allonger ou raccourcir les interventions des uns ou des autres, ou éventuellement même faire intervenir d'autres personnes. Mais bon. Donc... Oui. Reste le texte tout de même, avec des images d'ailleurs dans le volume qui vient de paraître. Oui, que j'ai fait figurer à titre comme ça d'exemple, parce que je savais à certaines images auxquelles Radovan Ivšík tenait beaucoup. Mais je pense que l'introduction de Olivier Neveu rend très très bien compte dans quelle perspective ce texte a été écrit, parce qu'il reprend aussi toute la trajectoire de Radovan Ivšík, voilà. Mais quand Radovan Ivšík dit que le théâtre est malade, est-ce qu'il ne veut pas dire que la culture est malade et même au-delà, le monde est malade ? C'est ça, parce que justement cet accent porté sur le théâtre, c'est en tant que vraiment, comme toujours et peut-être plus que jamais aujourd'hui, le théâtre a cette fonction symbolique, n'est-ce pas, de reflet du monde. Et c'est parce que Radovan Ivšík en avait le sentiment très vif que tout d'un coup, à un moment, pour lui, s'est imposée l'idée de cette controverse, puisqu'il s'agit de ça. Oui, c'est le sous-titre du livre. Un mot peut-être sur l'œuvre de Radovan Ivšík, qui dans ces dernières années a été rassemblée chez Gallimard. Il y a un volume qui reprend une grande partie de ses poèmes. Oui. Un autre qui reprend le théâtre. Oui. Et un troisième des essais, textes. Oui, des textes, des préfaces, des choses comme ça. Oui. C'est une poésie écrite en français pour une part, en croate pour une autre. Oui. Avec aussi toujours la difficulté et le fait de passer d'une langue à l'autre. Et quand il s'agit, par exemple, d'un très long poème qui s'appelle Narcisse, qui avait aussi une importance dans ces pays-là, parce que c'était une des premières tentatives de casser le verre et de tout d'un coup de faire intervenir l'espace autour du verre, avec la difficulté justement de passer d'une langue à l'autre. Et longtemps, Radovan Ivšík a hésité. C'est moi qui l'ai poussé à essayer de traduire ce poème-là. Mais c'est toujours quand il s'agit de poésie, donc ça veut dire qu'il s'agit d'un travail dans la profondeur de la langue. Et forcément, et pour essayer d'en rendre compte, c'est dans une autre langue, c'est d'autant plus difficile. Et d'un livre à l'autre, ce qui est absolument évident, c'est la passion. une oui. passion qui ne faiblit pas. Oui. Même quand il fait un constat blessé, comme avec Atouron. Ah oui, oui, oui, oui. Et c'est aussi ce qui fait la valeur de, mon avis, du texte de Olivier Neveu, qui justement rencontre vraiment de ça comme fil conducteur. Mmh. Ouais. Cette passion qui ne faiblit pas, il me semble que vous la connaissez un peu vous-même, Annie Lebrun. Je ne sais pas, mais bon, je n'ai pas beaucoup... pas tellement changé comme façon d'être, non, effectivement, mais bon. C'est toujours la même fièvre, les mêmes exigences. J'aime pas beaucoup le mot d'exigence, mais oui, plutôt la... Oui, ce qui est... Oui, j'aime mieux... J'ai envie de reprendre cette chose de Sade qui me plaît beaucoup, qui dit « les trembleurs me désespèrent ». Qui n'ont, je ne sais pas la citation exacte, mais qui n'ont que des moitiés d'idées. Mmh. Alors, c'est effectivement, moi, je suis un peu dans le même cas. Et on se trouve quand même avec beaucoup de gens qui n'ont que des moitiés d'idées quand on est optimiste ou quand on est gentil. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est facile de vous lire parce que les textes se rassemblent. Hein. Mmh. Il y a eu un premier rassemblement dans un volume de la collection Tell. Chez Gallimard, avec deux titres majeurs, Les Châteaux de la Subversion et Soudain un bloc d'abîme, Sade. Mmh. Vous étiez venu nous en parler ici. Oui. Et aujourd'hui, c'est Ailleurs et autrement, un volume qui reprend la plupart des textes que vous avez donnés à la quinzaine littéraire ces dernières années. Hein. Oui. Maurice Nadeau, un beau jour, vous a fait cette proposition qu'on ne refuse pas, même si on hésite 5 minutes avant de lui répondre. Oui, mais c'est quand même un cadeau formidable. Oui. Vous avez une page. Voilà. Dans chaque numéro de la quinzaine, vous écrivez ce que vous voulez. Oui. Moi, j'ai dit d'abord pas dans chaque numéro, parce que c'est... Mais j'ai fait tous les deux numéros, parce que c'est quand même vraiment beaucoup. Et puis, oui, au départ, j'ai un peu hésité, parce que je n'étais pas persuadée d'avoir quelque chose à dire. Et puis, c'est quand même, c'était quand même une possibilité de aussi d'intervenir rapidement, de regarder les choses au jour le jour, si je puis dire. Et je n'avais jamais eu l'occasion de faire ça, donc ça m'a séduit. Voilà, ça a duré assez longtemps. Et ce n'est pas fini, mais... L'assiduité, quand même... Il y a un peu de relâchement. Oui, il y a du relâchement, oui. Oui. Entre-temps, il y a d'autres travaux qui vous sollicitent. Voilà, c'est ça, évidemment. Oui. Alors, donc, dans ce livre, on trouve une vingtaine de ces chroniques de la quinzaine, écrites à partir de 2001. Oui. Et en contrepoint, ou pas, on interprétera ça comme on voudra, des interventions, la plupart des interventions... que vous avez faites, grosso modo, dans la même période. C'est ça, oui. Oui. Enfin, en ce qui concerne plutôt les choses écrites, parce qu'il y a eu d'autres choses concernant les trucs plastiques. Voilà. Oui, c'est des préfaces ou des... Ou des conférences. Des conférences, mais plutôt des préfaces, c'est ça. Il y a une conférence. Une ou deux interviews aussi, oui. Et bien sûr, on retrouve les trois auteurs qui vous sont chers dans un certain nombre de ces textes, c'est-à-dire Sade, que vous avez déjà cité. Oui, oui. Il y a un instant, c'est impossible d'ailleurs de parler avec vous un petit moment sans que Sade soit cité. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Oui. Sade, mais aussi Jarry et Roussel. Oui. C'est le tiercé gagnant. C'est le tiercé gagnant. Avec moi, on a de grandes chances, oui. Alors, la première partie, vous l'avez intitulée « À distance ». Et justement, c'est cette possibilité-là qui vous a été offerte quand Maurice Nadeau vous a fait ce que vous appelez un cadeau. Oui. Oui, parce que justement, ça, c'est lié à la personnalité de Maurice Nadeau qui, ces derniers mois, a été célébré. Puisque on n'a pas tous les jours 100 ans. On n'a pas tous les jours 100 ans. Et justement, contrairement à beaucoup de célébrations, moi j'ai trouvé ça tout à fait naturel parce que justement il y a cette sorte de liberté qui tient à l'être de Maurice Nadeau, qui fait que quand il vous ouvre son journal ou quand il vous propose quelque chose de cet ordre-là, eh bien, il vous donne vraiment la liberté. Parce qu'en général, souvent, enfin, les gens on mesure ça au centimètre. On vous donne 10 centimètres, 15 centimètres, 20 centimètres. Même quand on n'a pas précisé la longueur, il y a toujours un moment où les ciseaux reviennent. Tandis qu'avec Maurice Nadeau, jamais. Et puis, et donc ça, ça tient. On voit ça, étant donné sa carrière d'éditeur et la sorte de regard extraordinaire qu'il a eu, qui a fait qu'il a vu ce qui était en train de apparaître et qui était ce qu'il y avait de plus vivant. Donc ça, moi, je ne dissocie pas ça de cette sorte de liberté très fondamentale chez Maurice Nadeau. Mmh. Voilà. Et puis, vous avez quand même quelques points communs, hein, ne serait-ce que le surréalisme dont il est le premier historien en France. Et le Marquis de Sade aussi. Oui. Et puis l'Iris aussi. Mmh. Oui, on a quand même quelques points communs, oui. Mmh. Alors, cette liberté pour faire quoi ? Quand vous avez accepté de tenir cette chronique dans la quinzaine littéraire, être à l'affût, un guetteur, une sorte de guetteur. Vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas le mot exigence, je crois. Mm-hmm. Mais tout de même, c'est un peu à l'aune de ce qu'on peut considérer comme ce sur quoi vous ne transigez pas, vous ne négociez pas, que vous avez lu ce qu'on peut appeler l'actualité. Oui. Oui, enfin, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt parce que j'aime des choses passionnément, parce qu'il y a des choses qui m'ont bouleversée, eh bien, je me sens, d'une certaine façon, je me sens liée, redevable au moins de ce que certains êtres, certains esprits m'ont apporté. Et c'est un peu en fonction de cette sorte d'émerveillement, à la mesure de cet émerveillement, que après je peux être très, très sauvage, effectivement, dans mes jugements. Sauvage ou féroce ? Bon, c'est l'un ou l'autre, si on peut choisir. Mmh. Mmh. Pas de diplomatie là-dedans. Hein. Non, pas tellement. On ne proposera jamais le ministère des Affaires étrangères. Non, ni les décorations. Mmh. Non. Alors, dans la première chronique, vous parlez une critique littéraire, au fond, d'un livre qui, à ce moment-là, était en pleine actualité. C'était le livre de Catherine Millet, La vie sexuelle de Catherine M. Oui. Et on sent bien, a priori, ce qu'un tel titre pouvait représenter pour vous, quelle curiosité il pouvait déchaîner. Et voilà que, justement, cette curiosité était si forte que vous êtes tombé de haut. Oui, c'est ça. Oui, c'était bon. En plus, je ne pensais pas du tout commencer avec ça. Je même imaginais plutôt que commencer avec quelque chose d'inactuel comme Pierre-Louis. Et puis, tout d'un coup, est arrivé ce livre avec tout le ramdam qu'il y a eu autour. Donc, je l'ai lu parce que, par ailleurs, j'estime Catherine Millet. Je trouve très intéressant le travail qu'elle a fait, qu'elle continue de faire concernant l'art moderne, si on peut dire, ou l'art contemporain. Et puis, là, d'abord, le texte ne m'a séduite en rien, parce que quand même il se trouve que je connais un peu toute cette littérature érotique depuis longtemps et quand c'était pas si accessible qu'aujourd'hui, et ça m'a semblé d'abord être le recyclage de beaucoup de choses connues, et puis la façon justement dont ça a été présenté, là j'étais, je pensais pas, mais au fur et à mesure j'ai été saisie par la force de modèle que pouvait avoir et qu'a eu effectivement ce que raconte Catherine Millet, qui est une sorte de nouvelle sexualité qui me paraissait particulièrement en harmonie avec le monde que nous propose la société technicienne et en particulier la société connexionniste, comme on dit. Donc, voilà. Pas de libre-échange, mais des connexions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire des réseaux. Des réseaux, des réseaux. C'est une sexualité high-tech, quoi. Flexibilité, légèreté, adaptabilité, tolérance. Voilà, toutes ces caractéristiques de l'homme et de la femme connexionniste, voilà, oui, que vous retrouvez dans un roman comme celui de Catherine Millet. Oui, et puis avec aussi, là aussi, j'avais été saisie parce que récemment, enfin, peu de temps avant, j'avais prêté un grand intérêt au livre de Boltanski et Eve Capiello, Le nouvel esprit du capital. Luc Boltanski. Luc, pardon, oui, oui. Le nouvel esprit du capitalisme, où ils avaient étudié les traités de management, comme on dit, et où effectivement les mêmes qualités que se vante d'avoir Catherine Millet dans ce livre-là étaient les qualités requises, recommandées par justement ces traités où on mettait en avant que l'homme connexionniste doit être justement un être sans passion, mais ouvert à toutes les possibilités, à l'interchangeabilité, etc. Ce que vous avez évoqué. Et là, donc, du coup, le succès de ce livre-là n'a rien d'étonnant parce que ça rend compte vraiment de ce qui est préconisé. Aucun sujet, on peut le dire, ne vous fait peur, hein, Annie Lebrun. Il vous est arrivé de parler du rap, oui, et même du rock. Oui, oui. Mais oui, parce que bon, ça, j'ai pas l'air comme ça, mais je m'intéresse à des phénomènes de ce genre. Le rap à partir d'un essai que vous avez jugé passionnant de Claude-Henri Chouard, L'oreille musicienne. Oui, oui, ça c'était très très un très très beau livre. Ouais. Et le rock? C'est dans la mesure où la passion passe, ça ne peut que me fasciner. Et ce qui vous fascine, c'est peut-être d'abord justement la passion que le rock peut susciter, oui, chez certains. Oui, oui, oui. Et il y avait cette biographie de Jerry Lewis qui était particulièrement réussie. Et, bon. Alors, on parlait de votre sauvagerie qui pouvait quelquefois prendre l'allure de la cruauté ou de la férocité. Oui. Il y a quelqu'un qui en fait les frais dans l'un des textes de votre livre, c'est Werner Spies, le grand spécialiste de Max Ernst, oui, qui a été à un moment le conservateur du musée d'art moderne, oui, au, oui, centre Pompidou, oui, et le commissaire d'une grande exposition dans ce lieu-là, le centre, oui, Pompidou, oui, consacré, oui, au surréalisme, oui, exposition qui ne vous a absolument pas plu, et pour bien des raisons. Oui. Il faut dire pourquoi. Oui. Alors là, est-ce que c'est justement la gardienne d'une passion qui s'exprime, cette passion que vous avez eue très tôt, que vous conservez aujourd'hui pour le surréalisme? Non, c'est pas du tout le côté gardien du tombeau, ni même gardien d'une passion pour cette ce mouvement-là. Si ça avait été si j'étais occupée de ça, et si ça m'avait paru contrefaire en quelque sorte ce que moi je pense qui était en jeu chez Sade, j'aurais réagi de la même façon. C'est-à-dire que on s'est trouvé devant une sorte de présentation esthétisée du surréalisme, alors que le propos était quand même à l'origine tout à fait différent. Bon, je ne parle pas sur le déséquilibre du fait que si Werner Spies est un incontestable spécialiste de Max Ernst, il a mis vraiment beaucoup d'œuvres de Max Ernst au détriment de, par exemple, Picabia était vraiment la portion congrue, Duchamp n'en parlons pas. Donc c'est quand même, c'est pas possible. Autant on ne peut que accepter l'importance et être d'accord avec l'importance décisive de Max Ernst, mais c'est pas lui tout le surréalisme. Et c'est d'autant que justement, ce qu'il y a eu d'intéressant dans le surréalisme, c'est que ça a été un lieu où tant de personnes tellement différentes se sont rencontrées. Et là, donc cette sorte de biaisement, ça, moi, ça m'avait d'abord révolté. Par ailleurs, on assistait à une esthétisation complète. Alors, du surréalisme, on présentait des œuvres d'art. Il manquait plus que presque les prix sous les tableaux. Ça donnait cette impression. En plus, c'était fait comme des sortes d'alvéoles. Ça faisait un peu l'étage, je ne sais plus si ça existe encore, mais ça faisait l'étage des créateurs aux Galeries Lafayette. Mmh. C'était à peu près ça. Il y avait même une reconstitution, si je me souviens bien, d'un morceau de l'atelier d'André Breton. Oui, et justement, là, donc, bon, moi, ça, je sais que ça ne plaît pas ce que je dis, mais je continuerai à le dire. C'est que, bon, Werner Spitz a été un des promoteurs, justement, d'avoir pris un panneau de l'appartement de Breton, et qui est toujours au centre Pompidou, et il le présente comme une installation. Et c'est toujours maintenant, aujourd'hui, présenté. D'un côté, il y a les trucs de Ben, et de l'autre côté, il y a le mur de Breton. Bon, quand on sait la façon dont Breton vivait, n'importe quelle personne qui réfléchit un peu voit qu'il s'agit d'un contresens, et d'un contresens grave. Mmh. Bon, et donc je continuerai à le dire. Et ça, vous l'aviez repéré dès le début, c'est-à-dire en feuilletant le catalogue de l'exposition, avant même d'aller y voir de plus près. Oui, alors ça, c'est quand même très bizarre. Je ne savais pas avant que ça existait, et on m'avait demandé de rendre compte de cette exposition. C'était le magazine Beaux-Arts. J'ai dit oui, mais c'était 2 mois ou 1 mois avant l'exposition. Alors j'ai dit, comment je peux rendre compte d'une exposition que je n'ai pas vue ? Ah, mais on m'a dit, c'est comme ça. Je dis, mais comment ? Ah oui, mais il y a les dossiers de presse. Alors, bon, j'ai dit, je ne pouvais pas, oui, mais bon, on fait toujours comme ça. Donc là, j'ai découvert comment ça se fabriquait, ce qu'on nous fait, les numéros spéciaux. Alors bon, j'ai dit, j'accepte à la condition de voir le catalogue, ce qui a été assez compliqué, mais j'ai eu les épreuves. Et là, quand j'ai vu effectivement le catalogue, donc je pouvais m'attendre après à la catastrophe qu'on a vue. C'est la réduction actuelle. Mais ce n'est pas seulement ce qui concerne le surréalisme. Ça se produit... dès qu'il y a quelque chose. On est dans cette sorte de marchandisation culturelle qui fait que tout, et forcément ce qui était porteur d'une sorte de, au moins de révolte, a pour destin d'être neutralisé. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que des coups de griffe dans ces chroniques et dans ce livre. Il y a aussi des exercices d'enthousiasme. Voilà, oui. Et par exemple, quand vous tombez sur des livres d'inconnus ou presque, que vous lisez avec autant de passion que lorsque vous lisez Jarry, Sade ou Roussel. Enfin, oui, presque, en tout cas. Peut-être oui, mais enfin, ça c'est quand même très heureux. Qu'il y a quand même toujours des choses qui sont de nature à nous émerveiller. Mmh. Et quand justement, c'était aussi un des charmes de cette possibilité de parler. Donc je pouvais dire ce qui m'émerveille. L'un des textes les plus longs du livre se trouve dans la deuxième partie, c'est celui d'une conférence. Alors justement, il n'y a pas beaucoup de conférences, mais il y a au moins celle-là. Ah oui. Vous l'avez intitulée « Du trop de théorie ». Oui. Et c'est un titre qui fait écho à un autre titre de vous qu'on connaît bien, c'est « Du trop de réalité ». Oui, alors ça concerne ce qu'on appelle la French théorie. C'est ça. C'est il y a quelques années... quelqu'un qui dirigeait le centre culturel suédois, qui s'appelle Per Bovik, et m'a demandé de venir parler sur la French Theory. Alors moi, j'ai éclaté de rire en disant que ça m'étonne beaucoup, parce qu'il sait un petit peu mes positions. Oui, il m'a dit que justement, il y avait un colloque qui se faisait sur ce sujet et qui voulait entendre ce genre d'intervention. Alors bon, j'ai accepté et ça a donné cette conférence. Et tous ces philosophes de la French théorie, Deleuze, Foucault, Barthes, vous semblez les avoir lus, mais lorsqu'ils parlent des sujets que vous connaissez bien, prenons le cas de Foucault lisant Roussel, oui. Vous êtes en désaccord complet, avec oui. eux oui. ou avec lui. Oui, parce que bon, c'est quand même ce qui... c'est un exemple de... justement de ce que propose ce qu'on a appelé les déconstructionnistes, si je puis dire. Eh bien, on voit bien, avec par exemple justement ce que vous avez évoqué Foucault à propos de Roussel, on voit comment, de façon d'ailleurs très séduisante quand on ne connaît pas Roussel, comment Foucault lit Roussel. Dans le fond, il ne lit pas Roussel, il cherche dans Roussel ce qui va venir servir, alimenter sa théorie. Et bon, il me semble que c'est quand même assez grave, mmh. même si c'est au nom de la déconstruction et que bon, on peut qui recommande de démonter les textes et de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas de façon manifeste, sauf que on leur fait dire vraiment le contraire de ce dont ils sont porteurs. Mmh. Et votre critique va plus loin encore, puisque pour vous, la French Theory aura aidé le pouvoir à limiter les libertés. Je pense, oui. Et justement, ça, c'est un peu avec le recul hein, que permet aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui. Quand on regarde ces pensées-là, on se demande, on peut se demander, mais moi je réponds un petit peu positivement, c'est-à-dire et le tour qu'elles ont pris et ce qu'elles ont induit comme phénomène, me semble, et tout se passe comme si ces théories avaient en quelque sorte préparé le lit au développement de l'actuelle société industrielle. Et justement, en particulier, en préconisant des comportements qui sont complètement en phase avec ce monde connexionniste dont on a parlé. Ailleurs et autrement, le livre d'Annie Lebrun est publié chez Gallimard dans la collection Arcane. Et nous avons également cité le livre qui vient tout juste de paraître de Radovan Ivšić, À tout rompre, Controverse, qui est également chez Gallimard. Du jour au lendemain, Rémi Fessard, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.